yo. Tribunal international, étudie des statini rebelle. L'ONU fait quoi assemblée, si on y se réhabilite. Va nous pas faire. Établi qu'à passer les travail sous silence. Nex civil et même préjudice. Demande réhabilité. Est-ce qu'elle n'y déploie des mesures en justice à des vitesses? L'esclavage passé sous silence. C'est un crime contre l'humanité. Ça nous va faire. Questions?